Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour notre frère Ken. Merci Père de gloire pour cette ville de Tanger. Merci Père pour cet appartement dans lequel il habite. Merci Père de gloire pour tous ceux de sa maison. Merci pour sa famille. Merci surtout pour sa vie. Merci Dieu de gloire pour ce que tu as décidé de faire dans sa vie. Merci pour sa transformation et pour son témoignage. Car tu as toujours veillé sur lui. Au nom de Jésus-Christ, je te recommande cet homme entre tes mains. Je prie Père de gloire. Que tu le sanctifies encore davantage et que tu le tiens par la main afin qu'il marche dans tes voies dès maintenant et à jamais. Je prie Dieu de gloire qu'il ne lâche point la main que tu lui as tendue et dont il a saisi. Je prie que tu le guides, que tu veilles sur lui, tu le protèges, tu le diriges vers ta voie au nom de Jésus. Protège-le et veille sur son âme, veille sur son cœur, veille sur ses pensées, veille sur ses études afin qu'au sortir de ce pays-ci, qu'il rentre brillamment dans son pays pour honorer ses parents. Avec le diplôme que tu lui as accordé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ouvre-lui l'intelligence et donne-lui la connaissance, ô Dieu de gloire, non seulement de ta personne, mais aussi de ces choses qu'il apprend. Mais préserve-le du péché, Seigneur, et guide-le vers toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à Tanger. Ouais. Et ici, tu veux donner un témoignage qui va permettre de comprendre aux gens, de faire comprendre aux gens que. Même quand on est petit, quand on ne connaît même pas Dieu, Dieu nous connaît. Et quand, quand on est de ses enfants, il veille toujours sur nous. Explique-nous depuis depuis l'enfance. Tu as toujours senti la main de Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Parle-nous. Quand tu étais petit, comment ça s'est passé? Comment tu as vu? Comment tu as su que Dieu t'appelait? Dieu avait les regards sur toi. Quelles sont les choses que tu as vécues? Bon, j'ai vécu. Des grandes choses. J'ai passé pas mal des étapes, beaucoup d'étapes pour arriver là où je suis. Dieu m'a vraiment épargné de beaucoup de choses. J'avais une maladie qu'on appelle l'asthme. J'ai essayé de toute façon comment m'en débarrasser. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai compris qu'à la fin, ce n'est que Dieu qui peut aider, qui peut nous guérir de tout ça. Et Dieu m'avait fait grâce. Et aujourd'hui, cette maladie n'est plus en moi. Et bon, selon les dires des gens, que c'est une maladie incurable, que ça se soigne jamais. Maintenant, ça a disparu. Chez moi, au moins, ça a disparu. Et c'est pour cela que je le bénis une fois son nom. C'est quand tu étais à la RDC. Non, au Congo, au Brazza. Oui, au Congo, au Brazza. Ok. Et quand tu étais plus jeune, quoi? Oui, quand j'étais plus jeune. Ouais. Et là, tu faisais même les courses? Oui, je faisais même des courses. J'ai gagné même d'autres personnes en course. Et j'étais parmi les meilleurs élèves de course. Quand on faisait l'examen de pratique, j'étais parmi des bons élèves en gymnastique aussi et tout. Au lycée? Au lycée. Donc, jusqu'à présent, je fais toujours le sport. Il n'y a pas de problème. Rien ne m'empêche. J'ai fait deux fois la crise d'asthme. La dernière fois que je l'ai fait, c'était en 2008. Ça, c'est au pays encore. C'est au pays, oui. Je l'ai fait en 2002. Là, j'étais très petit. C'était à la maison. Et puis, c'est en 2008 que je me souviens vraiment parce que j'étais devenu un peu grand. Dieu m'a vraiment fait grâce, j'étais à l'hôpital, on était à trois. Trois dans l'hôpital. J'ai fait 3 jours. Le premier jour, celui qui était au premier lit est décédé. Le deuxième jour, il y a l'autre qui est décédé. Et le troisième jour, mon père m'a fait sortir de l'hôpital. Donc ton père croyait que tu devais mourir, que ça risque de te prendre. Il m'a dit, on rentre. Et j'ai commencé à suivre mes traitements à la maison. Il y avait un docteur qui venait maintenant pour me suivre. Et c'est un peu ça mon témoignage sur ce qui compte de sur la maladie. Hormis ça, j'ai encore vécu d'autres étapes. C'est-à-dire, il y avait le drame du 4 mars qui s'est passé le 4 mars de 2012. Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que le 4 mars 2012, il y a eu une explosion vraiment historique à Brazzaville qui a fait des milliers de morts à Brazzaville au Congo. Dans un camp militaire de le régiment blindé qui a eu l'explosion. Le régiment blindé qui avait eu feu, c'est-à-dire un camp militaire là où on garde des armes et tout de combat, ça se trouvait au milieu de la ville, dans un quartier qu'on appelle Pila. Et Ce jour-là, c'était un dimanche. J'avais TD de physique, Oui, donc travaux dirigés, travaux dans votre dirigés. école était Ouais, à proximité. voilà. Mon école était à proximité, juste en face du régiment, Oui. au lycée de la Révolution. Oui. Ce jour-là, j'avais TD le dimanche parce que on préparait les examens. Donc la semaine prochaine, on allait débuter. Dès le lundi, on allait débuter déjà par des examens. Oui. Donc on avait fait le dernier TD le dimanche. Et on nous a tous appelés à 7h du matin. Et 7 heures du matin dimanche, 7 heures du et vous devez matin, composer lundi. lundi. Et il faut remarquer que il faut rappeler que le 4 mars 2012, c'était un dimanche C'était un justement. dimanche Et c'est justement. à 8 heures qu'il y a eu explosion. Voilà. Donc on est arrivé à 7h à l'école comme prévu pour faire le TD. Et à 8h maintenant, c'est le début Des explosions. des explosions. Donc, là où on s'asseyait, en fait, dans notre rangée, on s'assoit, il y a quatre rangées dans la salle. Oui. Il y a quatre rangées. Moi, je m'asseyais au premier banc de droite, donc Oui. à l'entrée directement, Donc c'est après là où la je me porte, trouvais. Après la porte, c'est première ouais, rangée. première rangée. On a souvent l'habitude de s'asseoir à trois lorsqu'on fait des TD, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, donc on doit s'asseoir à trois quand il y a des TD. Et ce jour-là, j'étais arrivé en deuxième position. La première personne était assise, je suis arrivé en deuxième position, je suis assis au coin, et il y a un ami qui est arrivé, disons, le troisième de notre banc. Il est arrivé, il m'a dit de pousser pour que je sois Au au milieu. milieu, lui qui puisse s'asseoir. Comme moi, j'ai essayé, j'ai hésité, j'ai dit non, si tu viens d'arriver, toi passe au milieu, parce que moi je n'aime pas trop être au milieu, Parce que ça, j'aime le être au milieu, ça coin. sert. Voilà, ça sert. Et puis bon, comme si il insistait un peu, bon, d'accord, j'ai poussé, je l'ai laissé au coin, vu que j'étais un peu concentré sur ce que le prof était en train de Et dire. là, le professeur était au tableau. Le professeur était déjà au tableau, le cours a commencé, l'été a commencé. Et puis au moment où il s'assoit, on a fait au moins 30 minutes après, et les explosions ont commencé maintenant à 8 heures. Et il y a un éclat qui a quitté, qui a quitté, je ne sais pas, du néant, qui est entré directement dans la salle, là où je me trouvais. Donc là où la personne est venue me remplacer. Oui. Aussi, l'éclat est passé là, et l'éclat là. Ça a fendu sa tête. A fondu sa tête, et l'éclat a continué jusque derrière, a coupé d'autres personnes des bras et tout. Donc c'était Donc vraiment. tous ceux qui étaient sur la lignée, là, ça les a raclés. Voilà, ouais. Donc l'éclat est passé là, et ça a raclé tout jusqu'à derrière. Et Il y avait les cris il y partout. avait des cris partout, tout le monde pleurait, on était paniqué, on cherchait tous à sortir de la salle parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. C'était un truc inhabituel, on n'est jamais habitué à voir des trucs comme ça. Et tout ce que nous voyons souvent dans les films, donc c'est ce qu'on est en train de voir en réalité. Et on est sorti et il faisait, c'est-à-dire il y avait trop de fumée, on n'arrivait même pas à bien voir, à distinguer les endroits. Et d'autres personnes commençaient déjà à fuir. Donc on voit, il y a beaucoup de cadavres à terre. Donc c'était au moins, c'était un phénomène très bizarre. Et il y avait même un obus qui n'avait pas encore explosé, qui était juste devant moi. Et par curiosité, on cherchait à savoir ce que c'était. Parce que Donc on c'est venu plonger là-bas comme si c'était voilà. envoyé par l'avion, Voilà, comme plongé si à c'est terre. envoyé par l'avion. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Donc c'est juste descendu là. On ne sait pas ce que c'est, si c'est un avion qui a fait crash, ou on savait absolument rien. Et notre professeur de physique, lorsqu'il a vu, il a dit que non, ça c'est un obus, tout fouillé, ça n'a pas encore explosé, libéré. On commençait tous à fuir, donc on cherchait à À s'en fuir débarrasser, rapidement. à fuir en fait. Maintenant, la sortie était très petite, Dans la nous barrière tous. du lycée, pour La barrière sortir, vous du sortir du lycée, collège ouais, là. le portail, c'était très petit, on ne pouvait pas tous sortir là parce que tout le monde se précipitait à sortir. Et il y a d'autres personnes qui commençaient déjà à sauter les murs. Donc on était obligé en tant qu'homme de franchir seulement la barrière, de sauter le mur pour essayer un peu de gagner le temps. Et juste au moment où on cherche à sauter, on est monté, je monte sur le mur, je suis Et descendu au moment où tu aussitôt. montes le mur, Ouais. beaucoup de personnes montent aussi sur le Beaucoup de mur. monde, ouais. Beaucoup de gens montent. Il y a ceux qui venaient aussi pour monter. Il y a ceux qui sont déjà montés, ils sont descendus. Mais juste au moment où moi je monte, et quand je descends, il y a eu deuxième coup D'explosion. d'explosion. L'obus qui était là au Voilà, sol au sol a a explosé. explosé. A explosé. Donc le mur est tombé. Juste au moment où moi je descends, le mur tombe après moi. Juste après toi, derrière ton Après, pied, derrière mon pied. ça aplatit Ouais, ça certaines a personnes. perdu de certaines personnes, ceux qui se souvenaient après. Et puis, comme si je savais plus au fait, donc j'ai perdu un peu connaissance, je commençais à fuir bêtement. J'étais avec mon ami, un ami à moi, je l'ai tenu par ma main. Toi, on était en Vous train de courez. fuir, on court ensemble. Et on n'a pas compris, subitement, il y a eu encore une explosion. En ce moment-là, il y a un éclat qui est passé juste au niveau de son ventre et Alors que vous venez de courir. en entrée de courir. Oui. Donc l'éclat a suivi et a coupé son ventre en deux, a divisé. Donc c'est un phénomène trop bizarre. Donc l'éclat a coupé, déchiré, Coupé coupé son ventre de comme son ça. dos par derrière en Ouais, passant par de son derrière, en ventre. passant par Les son intestins ventre. sont Les sortis. intestins sont sortis dans le Ton sang ami que bleu, tu ouais, mon aimais. ami. Donc il m'a même dit, ne me laisse pas un truc comme ça. Donc je ne comprenais pas, au fait, au moment où je Alors, cherche en fait, maintenant tu ne vis, à le tu ne tirer. savais pas que c'était réel ce que tu vivais. Ouais, c'est donc, en fait, ça m'avait dépassé. Je ne J'étais savais pas, traumatisé. j'étais traumatisé. Au moment où je cherche à le tirer, il y a une personne qui m'a dit, non, laisse-le, il est déjà mort, cherche à fuir, sinon tu mourras comme lui. Et je l'ai regardé comme ça, les yeux étaient déjà fermés et tout. On m'a dit qu'il était décédé. Donc j'étais obligé Je de lâchais. laisser, de relâcher et de continuer ma route. Et j'ai fui, je suis arrivé jusqu'à la maison. Mais mes parents, c'est ma première fois aussi de voir mon père pleurer comme ça devant moi. Lorsqu'il m'a vu venir sain et sauf, sans problème, sans égratignure, il m'a appelé, il m'a remis encore. Parce que tout le monde, en ce moment-là, les gens commençaient à s'en débarrasser. Parce que j'habitais dans le même quartier aussi. Et ça a explosé, J'habitais, ça a raclé vraiment tout le ouais, quartier. tout le quartier. J'habitais dans le même quartier parce que j'étais à Wenze. Wenze, Mpila, c'est pas trop loin. C'est juste le même quartier. Mais non, au moment où j'arrive à la maison, les gens commençaient déjà à libérer le lieu parce que les éclats partaient jusqu'à Wenze, partout. Oui. Donc les gens commençaient à libérer le lieu. Mon père a dit que non, moi je ne vais pas quitter ici tant que je n'ai pas vu mon fils. Et évidemment, il m'avait vu. Et il était vraiment heureux. On est entré dans la maison. Au moment où les autres sont en train de fuir, il m'a appelé pour qu'on entre dans la maison et prier. Il a dit que non, si tu allais mourir, tu allais mourir depuis là-bas, vu que tu es arrivé jusqu'ici. Donc l'Éternel t'a gardé pour être là. Et ça m'avait vraiment marqué. On a prié et puis on a fui. Et puis c'était un peu ça mon Entre-temps, les histoire. cadavres étaient partout. Oui, le cadavre Les était partout. camarades de classe étaient Il morts. était mort, ouais. Dans presque, il y avait des morts dans toutes les ruelles. Partout où on passait, il y avait au moins des cadavres. Les pieds des Donc, gens des pieds coupés. des dents, c'était vraiment des cadavres, quoi. Il y a d'autres qui ont des coups coupés, donc beaucoup de choses. Il y avait même vu encore là d'une dame qui avait perdu sa tête avec un enfant au dos. Un Ouais, enfant au un dos. enfant au dos qui pleurait, ouais, un bébé. Un bébé là qui pleurait, mais la maman n'a plus de tête. Donc, c'était des trucs un peu comme Et ça qu'on vous a passez comme ça, vous vécu. voyez le corps, vous fuyez. Chacun Oui, fuyait son monde. chacun fouillait parce que l'odeur était toxique. Au Oui. moment où tu restes là, donc, mais il y avait une personne qui était derrière moi. Il était un peu plus âgé que moi. Il avait pris le bébé, mais je ne le connais pas. Parce que quand la maman, la tête était coupée, il est venu, il a juste retiré le bébé comme ça et il a fui. Et c'était un peu ça, l'histoire. Ouais. Donc, il y avait, mais surtout des militaires, il y avait eu beaucoup de militaires morts. Donc, c'était un Et événement l'explosion, vraiment est-ce que ça tragique. explose au fur et à mesure? Ça explose au Ouais, fur et à mesure. au fur et à Ça a mesure, rasé tout le camp tous les militaire. cas. Donc, tout cela s'est passé, je crois, en 30 minutes comme ça. L'espace de temps, ça a En rasé tout le l'espace de camp. 30 minutes, ça raclait tout. Donc, si ça explosait même pendant 2 heures du temps, notre bras tout Brazzaville allait être à terre. Puisqu'il y avait des débris qui sont allés même traverser le fleuve pour Voilà, toucher pour l'autre à toucher, Kinshasa. ouais. Il y a d'autres éclats qui sont tombés même en RDC. Les maisons qui sont à proximité du fleuve, Oui. ouais, ces maisons ont été touchées et tout. Heureusement que les autorités de la RDC, ils étaient compréhensifs, ils ont compris ce qui se passait au Congo, c'est pour ça qu'ils n'ont pas riposté, sinon ça allait vraiment être dur. Ouais, donc c'était vraiment ça l'histoire que j'ai passée Avant de dans revenir ma sur vie. ton histoire, mais il faut rappeler que le président Sassou Nguesso était censé visiter ce camp militaire ce Ouais, jour-là ouais, même. ouais. Le président était censé visiter le camp à 8 heures. Oui. C'était ça le programme. Et les tirs aussi ont commencé à 8 heures. Oui. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc on ne sait vraiment Bon, pas. on va laisser cet aspect-là dans Ouais. le camp des mystères et des gens qui peuvent aller dans n'importe quelle chose top secret, les combats, ainsi de suite. Bon, maintenant, rentrons en analysant ton histoire. D'abord, tu es jeune, tu es malade. Les gens qui ont ta maladie meurent, mais toi tu parviens à faire la course. Et au point où on t'amène à l'hôpital, les gens meurent au fur et à mesure, et toi tu ne meurs pas. Cette explosion-là a lieu, on voit effectivement comment la place où tu occupais, quelqu'un vient prendre cette place. À l'instant où l'explosion, là tu vois comment ça coupe sa tête, le cerveau sort, le sang est giclé partout. Ça coupe les intestins des gens, ça coupe les mains, les gens qui ont les mains qui tombent et la main commence à vibrer, les cris partout. Tu arrives, tu traverses le mur, quand tu arrives. Dès que tu atterris au sol, le mur tombe derrière toi avec l'explosion, ça tue les gens qui Ça étaient à tue, côté de toi. On se croirait dans un film de Rambo, où ouais, Rambo esquive les film balles partout. de Delta Force. Oui, le Delta Force de Chuck Norris. Alors, et ton ami, tu tiens ton ami entre les mains pour courir, Oui. l'éclair, boum, et ça coupe les intestins, il meurt. Il meurt, ouais. Qu'as-tu de spécial? Vraiment, je sais pas quoi dire. Vraiment, Dieu m'a épargné de tout ça. Et jusqu'à présent, je sais pas pourquoi il m'aime autant. Parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est vraiment un bon signe. Il m'a montré vraiment qu'il m'aime, donc je dois le servir, quoi. Et maintenant, avec notre venue ici, tu t'es baptisé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? Tu étais content quand j'ai dit il faut que tu te baptises? Ouais, j'étais vraiment content parce que c'est ma première fois. Je suis jamais baptisé dans ma vie, donc c'est la première fois que je sois baptisé, donc j'étais vraiment heureux. C'est une sensation vraiment inhabituelle. J'ai vraiment aimé ça, c'était cool. On a passé des très bons moments. Ouais. Avec le frère Junior, le frère Francis, la soeur Gigi, le frère Jobert, c'était vraiment très cool. Alors pour tous ceux qui vont t'écouter, écouter ton histoire, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à Dieu, par rapport à l'amour du Seigneur? Bon, ce que je dois dire en ce moment, c'est que on doit savoir qu'au-dessus de nous, il y a une personne. Il y a un être qui est au-dessus de tout, qui est au contrôle de tout, qui sait tout et qui voit tout. Cet homme, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu, celui qui a créé ce monde. Il sait tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, si on a un problème, on ne doit pas s'inquiéter. On doit juste le voir, l'appeler. Lui-même, il nous a dit dans son livre de Jérémie, invoque que moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais point. Et ce message est tellement, c'est-à-dire, ça m'a donné déjà une confiance que à chaque fois que je vais l'appeler, il va toujours intervenir. Donc, si on a un problème, braquons nos regards auprès du Seigneur, demandez-le et mettons juste nos genoux en bas fléchis, invoquant juste son nom et puis tout ira mieux. Il a vraiment fait grâce il m'a vraiment aidé dans beaucoup de choses. Et au moment où même j'étais Tu ne pas le savais pas. vraiment ouais, qui était Jésus, Tu on ne connaissais priait, pas on ne Jésus, sait pas vraiment en vrai, oui. parce que bien sûr que Jésus naît dans une famille chrétienne, on priait, mais on ne savait pas vraiment qui est Jésus. Mais c'est maintenant que je commence à comprendre qui il est, parce qu'il est en train de m'aider dans beaucoup de choses, il m'a sauvé. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ce Dieu-là, il est vraiment merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Donc, si j'ai un conseil à dire, c'est juste que ayez confiance à Dieu et ne perdez pas espoir lorsque vous avez des problèmes, parce que tôt ou tard, il va toujours agir. Lui-même, il a dit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où son intelligence commence. Donc, on ne doit pas perdre espoir. Il sera toujours là pour nous. C'est un peu ça. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je te laisse sous sa gouverne, sous sa puissante main. Qu'ici au Maroc, il te préserve, il te donne ton diplôme. Que tu rentres dans ton pays, si c'était sa volonté, tu travailles pour ton pays. Et il faut aimer ton pays, d'accord? Et bien plus de ça, aie les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Merci, papa. Dieu te bénisse. Que Dieu te Merci, mon bénisse. frère. Amen.